بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc cette série de cours et avec un autre sujet, inshallah ta'ala. On va essayer durant cette assise de proposer quelques solutions aux problèmes conjugaux. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs ont du mal à faire face aux difficultés que peuvent trouver les couples aujourd'hui. Et on va donc essayer de s'entraider dans ce sujet, inshallah ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans son livre, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il y a parmi ces signes le fait qu'il a créé pour vous, venant de vous, des épouses. Pour vous, à partir de vous, des épouses, afin que vous trouviez chez elles de l'apaisement. Et il a placé entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Min anfusikum, et donc pour vous, à partir de vous, c'est-à-dire le même genre que vous. Le même genre que vous. Et Saadi, il dit, rahimahullah, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan tunasibukum wa tunasibunahun wa tushakilukum wa tushakilunahun. Il dit, Saadi, rahimahullah, ce qui est voulu ici, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé pour nous, à partir de nous, des épouses qui nous conviennent, des épouses qui nous ressemblent. Mais les frères, il faut qu'on médite sur un point, ce n'est pas que physiquement. La plus grande des ressemblances et la plus grande des convenances, c'est la ressemblance religieuse. Lorsqu'on a deux époux sur la sunna, les deux sont sur la sunna. Ils défendent cette parole de l'unicité, veulent fonder un foyer sur l'unicité, le tawhid, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les deux veulent éduquer leurs enfants dans l'enseignement du Coran, la sunna, les livres des ulama, de la sunna. C'est la meilleure chose qu'on peut trouver ici. Ce sont les meilleurs couples qu'on peut trouver ici-bas. Taïb, qu'est-ce qui fait que malgré cela, on va trouver de grands conflits et propager. C'est-à-dire que ce n'est pas un couple isolé, ce n'est pas deux, trois. C'est propager énormément de problèmes de couple. Ici, chez nous, en Europe, énormément. Et même chez nos frères qui font la hijra. Rappelez-vous, il y a un point important, hijratul mekan ou hijratul amel. La hijra en délaissant un lieu et la hijra en délaissant des œuvres. Et donc on fait la hijra avec les mêmes erreurs qu'on avait fi bilad al kufr. On arrive dans un pays musulman et c'est le même problème, la même guerre. Et donc il faut régler ces problèmes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit fadhfar bi dhati ad-din, choisis celle qui a la religion. À partir du moment où tu as choisi celle qui a la religion, tu as fait les bonnes causes pour avoir un couple, pour avoir une vie de couple heureuse. Et à partir du moment où la sœur, elle choisit un mari qui a la bonne pratique religieuse, elle a accompli une bonne cause pour avoir une vie de couple heureuse. Et donc, il dit, tabaraka wa ta'ala, li taskunu ilayha, afin que vous trouviez chez elle de l'apaisement. Et il a placé parmi vous de l'amour et de la miséricorde. Et donc, normalement, dans les maisons, dans les demeures, on doit trouver de l'apaisement. Tu rentres à la maison, tu as travaillé toute la journée, tu es fatigué. Tu rentres à la maison, normalement, tu trouves de l'apaisement, de l'amour, de la miséricorde. Qu'est-ce qui fait qu'on va trouver le contraire? C'est ça la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve le contraire de cela? Quelle est la cause qui a entraîné la disparition ou la forte diminution de ce bienfait qu'Allah nous a accordé? Avant le mariage, je n'ai pas choisi n'importe qui. J'ai fait les causes pour que ça soit une sœur qui soit dans le din. Ok. Je me suis renseigné, si, ça, ça, alhamdoulilah. Elle aussi, elle a fait la même chose sur moi, etc. Tayyib, bonne étape. Allah tabaraka wa ta'ala a placé entre nous de l'amour, de la miséricorde. Il y a eu cette période, l'amour, la miséricorde, etc. Et ensuite, la chute. Quelle est la cause? On va voir, Inch'Allah ta'ala. Il y a plusieurs points. J'en ai noté quatre, Inch'Allah. On va se concentrer sur quatre points. Mais il y en a énormément. Mais je me suis concentré sur quatre points, biznillah. Premièrement, il faut qu'on sache que Allah tabaraka wa ta'ala, il est sage. C'est lui le sage. Il nous a ordonné de faire les causes pour la propagation de sa religion. Pourtant, il n'a pas besoin de nous. Même si on ne fait pas les causes, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut que la religion se propage, elle va se propager. Il n'a pas besoin de nous. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, il est sage. Le sage. Et il a lié tout élément, toute chose à une cause. Il a lié toute chose à une cause. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et donc, les œuvres pieuses, les bonnes actions sont des causes qui nous permettent d'entrer au paradis. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans son livre « Wa tilkal jannatu allati urithtumuha bima kuntum ta'malun » Et donc, voilà le paradis que vous avez hérité, qui vous est accordé par la cause des œuvres que vous avez accomplies. Donc, les bonnes œuvres sont des causes pour entrer au paradis. De la même manière, les mauvaises œuvres sont les causes pour rentrer en enfer. Il dit tabaraka wa ta'ala Zouku wa zouku azab al khuldi bima kuntum ta'malun. Et goûtez au châtiment de l'éternité à cause de ce que vous avez accompli. Le châtiment de l'éternité à cause de ce que vous avez accompli. Et donc, certaines personnes, lorsqu'elles rentrent chez elles, elles ressentent comme si elles ont un châtiment ici-bas. Elles ressentent comme si c'est une punition. C'est la guerre à la maison. Il n'y a pas d'apaisement. Certains même, ils vont être dans une situation, subhanallah, la seule chose qui fait qu'ils restent ensemble, c'est les enfants. S'il n'y avait pas les enfants, je serais parti depuis longtemps, il va te dire. Il y en a un qui va te dire, si seulement j'avais de l'argent, si seulement je serais parti il y a longtemps. Et pourtant, le mariage, c'est une cause d'apaisement, d'amour. Et donc, qu'est-ce qui a entraîné cette situation dans laquelle certains vont se trouver aujourd'hui? Pose-toi la question, est-ce que tu as accompli les causes? Pose-toi, chacun des deux époux doit se poser cette question. Est-ce que tu as accompli les causes qui augmentent l'amour, la miséricorde et l'apaisement dans le couple, ou est-ce que tu as fait le contraire? ou est-ce que tu as fait le contraire? Chacun se remet en question et s'interroge concernant sa propre personne. Bal al-insanu ala nafsihi basira. L'être humain, il est clairvoyant concernant sa propre personne. Il connaît sa propre personne. Il sait parfaitement ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a accompli les causes qui augmentent l'amour dans son couple ou les causes qui vont diminuer l'amour? Et donc, on comprend, chers frères, qu'il est très important qu'on accomplisse les causes qui augmentent l'amour, la miséricorde et l'apaisement dans le couple, même si on est en période de conflit. Certains pensent que ces causes-là, on ne les fait que quand tout va bien. Quand tout va bien, on fait les causes pour augmenter l'amour dans le couple. Et quand on est en période de conflit, ah non, non, non, non. On montre le visage fâché, on ne se parle pas, etc., etc. Alors que c'est le contraire. C'est quand tout va, c'est quand c'est difficile, quand ça va mal, qu'il faut augmenter les causes. Les causes qui ramènent l'amour dans le couple. Et qui ramène cet apaisement. Pense à l'amour de ton couple et pense à l'apaisement de ton couple avant de penser à toi. Et là, le problème, comme on a cité dans le cours tout à l'heure, on va penser à nous-mêmes. J'ai raison, c'est moi, etc. C'est lui qui m'a mal parlé, c'est lui qui m'a mal regardé, etc. Avant de penser à la da'wa, à la ilaha illallah. Dans les couples, on va faire la même erreur. Avant de penser au couple et avant de penser à la personne avec qui je suis, moi, c'est moi qui ai raison. C'est moi. Un point, c'est tout. Et donc, chacun se remet en question. Ici, barakallahu fikoum, dans le couple, dans le mariage, le sujet, c'est pas qui a raison, qui a tort. C'est pas ça le sujet. Al-Shafi'i rahimahullah, dans ses débats avec toute personne concernant des sujets, il dit à Al-Shafi'i, peu m'importe que la vérité, elle apparaisse sur ma langue à moi ou sur la langue de l'autre personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la vérité apparaisse. Et donc, Al-Shafi'i, pour lui, lorsqu'il va être en conflit avec une personne, ce qui l'intéresse, c'est pas d'avoir raison. C'est qu'à la fin, la vérité apparaisse. Il se peut qu'à la fin, c'est l'autre personne qui a raison. Il est content. Pourquoi? Parce que la vérité, elle a paru. Nous, non, c'est moi qui ai raison. C'est moi, un point, c'est tout. Et donc, si on veut réussir, barakallahu fikoum, il faut qu'on comprenne ce sujet, ce principe très important, que premièrement, on ne doit pas faire passer nos personnes, nos propres personnes, avant la maslaha générale. Avant la maslaha générale. Tu ne fais pas passer ta propre personne. Deuxièmement, augmenter les causes qui permettent, qui vont préserver l'amour du couple. Et ça, on va le détailler, biiznillah ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand on parle encore des sujets des conflits, il nous dit, « Baytun fi ribatil jannah, liman taraka al-mira'a walau kana muhiqqa. » Une maison au milieu du paradis pour celui qui délaisse le débat, même s'il a raison. Une maison au milieu du paradis pour celui qui délaisse le débat, même si c'est lui qui a raison. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette parole, est-ce qu'il nous dit d'appliquer cela qu'entre nous, entre frères? Moi, je suis avec mon frère, on a un conflit, lui et moi, et je dis, Beytun fi ribatil jannah, ça y est, khalas, mon frère, c'est bon, alhamdoulilah, c'est toi qui avais raison. C'est qu'entre nous, les frères? Ou alors, c'est aussi avec nos femmes qui sont encore plus proches que nous, plus proches de nous que les frères? C'est aussi avec nos femmes, c'est sûr. C'est sûr, c'est aussi avec nos femmes. Le cher Ubayd, rahimahullah, lorsqu'il aborde ce sujet, il nous dit, Tu ne vas pas à chaque fois tout reprocher comme ça. Tu ne vas pas tout reprocher. Il y a des gens, ils reprochent tout. Tout ce qu'il peut reprocher, il va reprocher. La maison, elle est comme ça. Et si, et à ça. Les enfants, ils n'ont pas fait ça. Tout ce qu'il peut reprocher, il va reprocher. Le chéroubé, il dit non, c'est pas comme ça. Il dit s'il y a des éléments que, effectivement, oui, ceux-là, ils sont graves, la personne, elle ne sait pas que cela est mal. À ce moment-là, tu reproches. À ce moment-là, tu reproches. Taïb, si la personne, elle sait qu'elle a mal fait, tu arrives à la maison, tu trouves qu'il y a quelque chose qui a été mal fait, tu regardes ton épouse, elle sait que ça, elle n'aurait pas dû le faire. Elle le sait très bien. Ça sert à quoi que tu le répètes? Même chose. Elle est là, elle voit que tu fais une erreur. Tu fais une erreur. Elle te demande de faire quelque chose, d'aller faire certaines courses ou je ne sais pas, et tu vas, tu te trompes. Et tu sais que tu t'es trompé. Ça sert à quoi de reprocher? Alors qu'il sait très bien qu'il s'est trompé. Khalas. Il faut qu'on arrête de se reprocher tout, en fait. Parce que ça va placer de l'animosité. Il faut faire des concessions. Le chéroubé, il te dit, tu vas reprocher quand tu sais que la personne n'a pas compris que ce qu'elle a fait est mal et qu'elle va le réitérer puisqu'elle ne sait pas que c'est mal. À ce moment-là, tu reproches. Mais nous, subhanallah, dès qu'il y a la moindre... Bam, bam, bam, bam, bam. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Et tu fais monter la pression dans le couple, la pression. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, donc le hadith que je voulais citer tout à l'heure dans Sahihayn, il nous dit « Khadamtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ashra sinin. » J'étais au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. « Wallahi, me kalali ouffan kot. » Par Allah, il ne m'a jamais dit « ouf ». Comme on a ici... En France, du moins, ou je ne sais pas si vous l'avez aussi en Belgique, il dit par Allah, il ne m'a jamais dit. Lorsque tu vois une personne qui fait quelque chose que tu n'aimes pas et que tu vas montrer ouvertement à la personne que tu n'aimes pas ça. Tu n'aurais pas pu faire mieux que ça. Il dit pendant 10 ans, il ne m'a jamais dit ça. Pendant 10 ans. وَلَا قَالَ لِي لِشِيْءٍ لِمَنْ فَعَلْتَ كَذَا وَهَلَّا فَعَلْتَ كَذَا. Et jamais il ne m'a dit pour quelque chose, pourquoi est-ce que tu as fait comme ça? Tu n'aurais pas dû faire comme ça. Nous, ça, c'est tous les jours, ça. Pourquoi tu as fait comme ça? Et pourquoi tu as fait comme ça? Et pourquoi tu n'as pas fait comme ça? Et pourquoi tu as fait comme ça? Et pourquoi tu... Doucement. On aurait dit qu'on pense de nous qu'on est parfait. Et donc, il faut qu'il y ait avec nous une personne qui soit parfaite aussi. Yahri, tu n'es pas parfait. Toi aussi, tu as des manquements. Toi aussi, tu as des erreurs. Et donc, il faut que tu acceptes que la personne qui est en face de toi, elle aussi, elle a des manquements. Elle aussi, elle a des erreurs. Et donc, il faut que chacun patiente sur les manquements de l'autre. On ne va pas se faire tous les reproches qu'il y a chez chacun. Vous vivez ensemble. Nous, entre frères, on ne va pas connaître que tous les défauts que chacun d'entre nous a parce qu'on ne se voit pas souvent. On ne se voit pas souvent, on va se côtoyer comme ça de temps en temps, etc. Mais ta femme, elle vit avec toi. Tu ne peux pas lui cacher tes erreurs. Elle vit avec toi. Elle va voir tous tes défauts. Et toi, tu vas voir ses défauts, même chose. Est-ce qu'on va se tirer des balles à chaque fois pour tous les défauts qu'on voit? À chaque fois qu'il y a des conflits avec les gens, ils me demandent ah, « va poser à Cheikh Arafat ». Le chéri demande, première question, ce sont des salafis? Est-ce que ce sont tous les deux des salafis? Oui, Cheikh. Tu les connais tous les deux? Oui, je les connais. Pourquoi la guerre? Les deux, là, il a Allah, Muhammad Rasulullah. Aqidat Ahl al-Sunnah wal Jama'a, immatuna, on a les mêmes imams. Pourquoi la guerre? Ah, il a des erreurs. Ouais, mais toi aussi, tu as des erreurs. Aucun n'est parfait. On n'est pas au paradis ici, on est sur terre. Aucun n'a été purifié de ses dé- on est sur terre. Et donc, il faut qu'on patiente les uns sur les autres. Et donc, il faut que tu te poses la question dans le conflit, avant de répondre, avant de reprocher, avant de critiquer, avant de parler, avant d'agir, avant de taper la main sur la table, avant de claquer la porte, avant de mettre un coup de pied dans la cuisinière, pose-toi la question. Est-ce que ce que je vais faire là tout de suite, est-ce que ce coup de pied dans la cuisinière, est-ce que ce coup de poing sur la table, est-ce que ce cri que je vais pousser, c'est quelque chose qui va augmenter l'amour dans mon couple ou qui va diminuer? Tu te poses cette question juste avant de faire. Tu as ta réponse tout de suite. Est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas? Tu as ta réponse tout de suite. Le plus important, ce n'est pas que tu as raison. Il faut qu'on comprenne. Le plus important, ce n'est pas que tu aies raison et que tu montres à la personne que tu, raison, que tu as raison. Le plus important, c'est quoi le plus important? Pourquoi est-ce qu'on s'est marié? On veut aller au paradis, les frères. Pourquoi est-ce qu'on fait ses cours? Pourquoi est-ce qu'on se marie? Pourquoi est-ce qu'on cherche une femme pieuse? Parce qu'on veut aller au paradis. Le plus important, c'est qu'on aille au paradis. Et donc, viens, on fait les causes pour aller au paradis ensemble. Viens, on fait les causes pour aller... Ok, tu m'as fâché, tu m'as blessé. Inch'Allah, au paradis, ça, on ne va pas en parler, ça. Ça, au paradis, on ne va pas se reprocher, ça. Alors, viens, on fait les causes pour aller au paradis ensemble. Je veux que toi, moi, nos enfants, on soit tous ensemble au paradis. Tous ensemble. Voilà ce que je veux. Ou alors, est-ce que ce que tu veux, c'est que ah, c'est toi qui avais raison. T'as vu, c'est moi qui avais raison, je t'avais dit. Et donc, c'est important, les frères, il faut qu'on arrive à faire des concessions pour préserver ces causes-là, les causes qui vont augmenter l'amour dans notre couple. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, comme dans Sahih Muslim, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. On l'avait vu ici ce cours, ce hadith. Ne méprisez aucune bonne action. Ne méprise aucune bonne action, même si c'est pour accueillir ton frère avec un visage souriant. Certains vont mal comprendre ce hadith. Il va aller, il va venir à Makaz al-Furqan, il va accueillir son frère avec un visage souriant, tout ouvert, il va retourner à la maison, il accueille sa propre épouse avec un visage fermé. Akhi, c'est elle qui est la plus proche de toi. C'est elle qui est plus en droit de recevoir le visage souriant. Ne pense pas que ces hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cite, c'est que pour tes frères, que entre nous. Pour ton épouse, c'est encore plus. Elle t'accorde, elle te donne ce qu'aucun frère ne te donne ici. C'est encore plus. Vous êtes en conflit? Ouais, ben, même chose. Même chose, même ton frère ici, on est en conflit, on n'est pas d'accord sur un sujet. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'accueillir avec un visage fermé. Il y a des frères avec lesquels je ne suis pas d'accord sur certains sujets. Je ne vais pas citer de nom. Il y a des frères ici, je ne suis pas d'accord avec eux sur certains sujets. Quand je les vois, salam alaikum, akhi. Quand je ne les vois pas, je prends de leurs nouvelles, comment ça va, akhi. Pourtant, il y a des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Parfois, le ton peut monter. On est des êtres humains, le ton peut monter. Et akhi, ici, il va me dire ça, et ci, et ça. À la fin, il y a encore le sourire, il est là. Parce qu'on est des frères, on s'aime. On s'aime. C'est pas mon problème qu'une fois t'as fait telle erreur, une fois t'as dit telle chose. Wallah, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on aille au paradis, les frères. C'est ça qu'on veut. On se concentre pas sur ces sujets futiles. Et donc ça, c'est entre nous. Dans ton couple, c'est encore plus. ça doit être encore plus fort. Ne pas te concentrer sur les futilités qui t'éloignent de ton objectif, le fait que tu veux aller au paradis. Et le fait que tu veux préserver ce couple, que tu veuilles préserver l'amour qu'il y a dans ce couple. L'amour qu'Allah tabaraka wa ta'ala a placé dans ce couple. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, Abu Huraira radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « El kalimatu tayyibatu sadaqa » La bonne parole est une aumône. La bonne parole est une aumône. Taïb, est-ce que parfois on prononce de bonnes paroles à notre épouse? Comme ça, juste histoire de placer le bonheur dans son cœur. Il y a un hadith sur ce sujet, mais il est faible. Le fait que parmi les bonnes actions, les meilleures actions, le fait de placer le bonheur dans le cœur du croyant. Les savants nous disent que le hadith il est faible, mais le sens il est authentique. Le sens il est authentique, il est correct. Le fait que tu fasses en sorte que ton frère, ta sœur, ton époux, ton épouse soit heureux, une belle parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, si tu aimes ton frère, alors dis-lui. Tu vas envoyer un message à ton frère, tu vas lui dire, ya akhi, uhibbuka fillah. Vous avez vu les frères qui sont venus tout à l'heure? Des frères allemands, si j'ai bien compris. Ils ne comprenaient pas le français. Ils sont restés posés, ils ont demandé qu'on parle en arabe pendant un moment. On a parlé en arabe pendant un moment. Peut-être que certains d'entre eux ne comprenaient pas l'arabe non plus. Au bout d'un moment, ils se sont levés, ils sont partis. Et le frère qui parlait l'arabe, il s'est retourné, il a dit « Uhibbukum fillah, uhibbuka fillah. » Je t'aime en Allah. Et donc, entre nous, on se dit « Je t'aime. » Et ton épouse, tu vas aller sur la maison, tu lui dis pas « Je t'aime. » Tu vas être gêné de lui dire « Je t'aime. » Ah non, non, je ne vais pas lui dire « Je t'aime. » Elle m'a fâché et tout, elle a fait ci. Quoi, moi, je dis « Je t'aime. » Mais justement, c'est le moment. C'est le moment. Tu attends quoi? Tu attends que vous soyez divorcé pour lui dire « Je t'aimais. » Hein? Parce qu'après, il y a ceux encore, une fois qu'ils sont divorcés, ils pensent qu'ils sont encore mariés. Et ils parlent comme s'ils étaient mariés. On attend qu'on soit divorcé pour dire « En fait, bon, c'est vrai que je t'aimais quand même. » Ah, mais, Akhi, Ourti, préservez votre couple pendant qu'il en est encore temps. Qu'est-ce qui t'empêche de lui dire « Je t'aime » Qu'est-ce qui t'empêche de lui dire « Je veux que tu sois ma femme au paradis. J'aimerais que tu sois ma femme au paradis. Viens, on s'entraide. Tous les deux pour avoir l'ikhlas. » Walmutaba'a. Qu'est-ce qui t'empêche de lui dire « Je veux être avec toi jusqu'à la fin ?» C'est trop difficile, Yanni. Tu sens que tu as perdu ta virilité si tu dis ça? Non, akhi, Allah, t'as rien perdu du tout. Et donc, c'est important qu'on ait des bonnes paroles entre nous. Une parole qui va faire du bien à la personne qui l'entend. Et ça, c'est une cause qui va augmenter l'amour du couple. Même en période de conflit, il faut que tu penses à ça. En période de conflit, ne pense pas à « j'ai raison, elle a raison, j'ai raison ». Non, en période de conflit, même si tu as le sujet où tu veux que la personne comprenne la vérité, qui selon toi est la vérité, il faut que tu t'efforces de préserver cet amour. Viens, on parle calmement pour régler tel et tel problème. On veut rester ensemble, on veut préserver notre amour, etc., etc. Une belle parole. On se pardonne pour tout ce qui a été dit, toutes les mauvaises paroles qui ont été dites. Par contre, il y a certains problèmes qu'on doit régler. Viens, on se pose tranquillement, on les règle. On se met d'accord sur certains points, etc. Doucement! On n'arrive pas à pardonner. Imaginez-vous les frères, cette personne qui est la plus proche de toi, cette personne, Allah tabaraka wa ta'ala a fait que cette femme, elle se donne à toi. Elle connaît ton intimité, tu connais son intimité. Cette personne-là, tu n'arrives pas à la pardonner? Mais tu vas pardonner qui alors? Et ensuite, après ça, on veut qu'Allah, il nous pardonne. Et on oublie El Jezem, El Jin Silam, la rétribution est du même genre que l'œuvre. Pardonne aux gens. Pardonne à tes frères. Pardonne à ton épouse. Pardonne, ma soeur, pardonne à ton époux. En espérant que Allah tabaraka wa ta'ala, par cette cause et ce pardon, il te pardonne à toi aussi. Comme dans le hadith, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Les miséricordieux, le tout miséricordieux leur fait miséricorde. Irhamu man fil arz. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre. Yarhamukum man fis sama. Celui qui est dans les cieux vous fera miséricorde. La personne qui est la plus proche de nous, on n'arrive pas à lui faire miséricorde. On n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à excuser. On est toujours là à ressasser le passé. Et tu m'as fait, et tu m'as fait, et tu m'as fait, et tu m'as fait. Combien de conflits? On me contacte. Ah oui, elle a fait, elle a fait, elle a fait, elle a fait. Taïb. Orti, ça que tu as fait, tu as fait, tu as fait, tu as fait. Tu continues à le faire encore? Mais non, ça fait longtemps. Taïb, si elle ne fait plus, pourquoi tu me cites ça maintenant? Elle ne le fait plus, pourquoi tu me le cites? Non, elle est où l'utilité? Elle est où l'utilité? En fait, tu veux rester bloqué dans le passé, en fait. Tu ne veux pas avancer. Apprenons à pardonner. Si tu vois que la personne, ça c'est bon, elle a compris, elle a délaissé cette erreur, khalas, alhamdoulilah. Puisque de la même façon qu'elle a eu des mauvais agissements, des mauvais comportements envers toi, de la même façon, toi aussi tu as eu des mauvais comportements envers elle. De la même façon. Et donc, apprenez tous les deux à vous pardonner mutuellement. Al-Bukhari nous cite dans son Sahih, toujours d'après Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit wala tabaradu. Wala tabaradu. Ce hadith il est dans Al-Arba'in aussi. C'est-à-dire, ne faites pas les causes qui vont entraîner la haine entre vous. Les causes. Al-Tabarud wala tabaradu. Ne faites pas les causes. Tu sais qu'elle n'aime pas ça. Pourquoi tu le fais? Et toi, Ourti, tu sais que lui, il n'aime pas ça. Pourquoi est-ce que tu le fais? Tu sais qu'il n'aime pas quand tu parles comme ça. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Et toi, tu sais qu'elle n'aime pas quand tu parles comme ça. Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Salafi, Coran, Sunna, tiens, allez, voici la Sunna. Voici la Sunna, applique-la dans ton mariage. Le prophète qui te dit « Wala tabaradu » ne faites pas les causes qui entraînent la colère et la haine entre vous. Toute cause qui entraîne la colère et la haine sont interdites et sont à délaisser. Toute cause. Que ça soit entre des associés dans un commerce ou des frères aussi, et encore plus lorsque c'est ta femme. Et donc c'est important, les frères, j'ai l'impression que parfois, avant de faire quelque chose, on ne va pas réfléchir. On fait et on verra ce que ça va donner. Yallah, bismillah, on verra ce que ça va donner. Réfléchis, est-ce que ce que je vais dire, est-ce que ce que je vais faire, ça va entraîner qu'elle sera heureuse d'être mon épouse ou pas? Est-ce que lorsque j'aurai fini cette parole, elle va me dire « Alhamdoulilah, wallah, c'est une ni'ma d'être marié avec toi. » Ou alors, lorsque j'aurai fini de dire cette parole, elle va me dire « Allah al-Musta'an, qu'Allah me préserve. » Et donc, il faut qu'on fasse attention, les frères. Parfois certains, ils aiment bien se mettre des pics. « Tu m'as mis un pic, je t'en mets un. Tu m'as mis un pic, je t'en mets un. Allez, allez, allez, allez, allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à ce que ce n'est plus des pics. » Après, ça revient, ça arrive même au coup. Ça arrive même au coup. Et donc, barakallahu fikoum, arrêtons ça. Arrêtons ces coups, ces piques, etc., etc. Réfléchis, avant de parler, avant d'agir, est-ce que ce que je vais faire, ce que je vais dire, c'est une cause de bien pour mon couple? Ça, c'est une des premières causes que tu dois accomplir pour préserver ton couple. Réfléchir aux causes. Ce que tu fais, ce que tu dis, est-ce que c'est une cause du bien ou une cause du mal dans ton couple? Al-Bihaqi, donc, ça on en a déjà parlé, mashallah, c'est le hadith que j'ai cité tout à l'heure. Donc parmi les meilleures œuvres, le fait de faire entrer le bonheur dans le cœur du croyant, on en a déjà parlé. Et donc, on comprend clairement, barakallahu fikoum, qu'il est important qu'on fasse rentrer le bonheur dans le cœur de nos épouses et qu'elles, elles fassent la même chose. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans Sahih al-Bukhari et Muslim, il dit, yassiru, ah les frères, ça c'est une belle leçon. Ça c'est une belle leçon. Marque-le sur un tableau à la maison. Yassiru, wa la tu'assiru. Facilité. Et ne rendez pas les choses difficiles. Wasekkinu wa la tunaffiru. Sekkinu, faites les causes pour que les gens restent. Wa la tunaffiru, ne faites pas les causes pour que les gens partent. Et donc ça c'est entre nous. Ça c'est dans la da'wa. Et ça c'est dans notre couple. Yes, Sirou, facilite. Il faut que tu fasses ça, et si, et ça, et ça. Je rentre à telle heure, il faut qu'il y ait si, ça, ça, ça qui soit prêt. La hawla wa la quwwata illa billah. Facilitons. Facilite-la, elle te facilite, on se facilite mutuellement. Sois compréhensif. Voilà, tu assirou, ne rends pas les choses difficiles. On est déjà dans un problème. On n'est déjà pas d'accord. Ne rends pas les choses plus difficiles que ça. En criant, on n'est déjà pas d'accord. C'est déjà un problème dans le couple. Le fait qu'on ne soit pas d'accord, que toi tu dises A et que elle, elle dise Y. Elle n'a pas dit B, elle a dit Y. On est loin. Ça y est. On fait quoi? A, Y, c'est déjà un problème. On rajoute un autre, le fait que je t'insulte. On rajoute un autre encore, le fait que tu m'insultes aussi. On rajoute un autre encore, le fait que je casse le verre. On rajoute un autre encore, le fait que je... On n'est déjà pas d'accord. Et donc les frères, lorsqu'il y a un problème, on se concentre pour résoudre ce problème. On ne rajoute pas un autre par-dessus. On facilite afin que ce problème-là soit réglé. Et on fait la cause pour que cette personne qui soit avec nous ait envie de rester avec nous. Pas qu'elle ait envie de fuir. La fuite, il faut que je parte. Il faut que je me sauve. Pourtant, le prophète, il nous l'a dit. Sekkinu wa la tunaffiru. Dans Sahih Muslim, subhanallah, lors du pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Fattakullah fil nisa, craignez Allah concernant les femmes. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Car certes, vous les avez prises, c'est-à-dire que vous vous êtes mariés avec eux, avec l'engagement d'Allah. C'est un mariage, c'est un acte solennel important. Ce n'est pas ta petite amie. C'est ton épouse devant Allah tabaraka wa ta'ala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Et leurs parties intimes vous ont été rendues licites par la parole d'Allah. C'est un engagement qui est intime, qui est fort. Et donc, on doit le respecter et craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants nous citent parmi les leçons de ce hadith le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de al-furuj al-jima, le rapport. Certaines personnes vont se comporter avec leurs épouses ou avec leurs époux comme s'ils sont en état de pèlerinage. Comme s'il n'a pas le droit d'avoir de rapport. Comme si c'est tabou presque. Comme si c'est tabou. Tu vas avoir parfois certaines personnes qui ne vont pas avoir de rapport pendant une longue période. Et ils vivent ensemble. Le fait de vivre ensemble et de ne pas avoir de rapport pendant une longue période, c'est une cause de frustration dans la maison. À tel point que dépasser un délai, en islam, dans la législation, la femme elle a le droit de demander pour ça la séparation. La séparation. Mais non, les frères, certains parfois, lorsqu'on est en dispute, allez, on est en dispute. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de rapport? On est en dispute. Ça fait 5 mois qu'on est en dispute. Là, il a là. Et donc, pendant 5 mois, on se met en danger. Pendant 5 mois, on se met en danger. Time. Utilise ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donné pour augmenter l'amour qu'il y a dans ton couple. Augmente l'amour qu'il y a dans ton couple. Sois une cause d'augmentation de cet amour. Certains vont le faire de manière illicite. Et ceux qui sont mariés vont le délaisser. Alors qu'ils sont récompensés. Les compagnons qui demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on est récompensé lorsqu'on a des rapports avec nos épouses? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, n'est-ce pas que si tu le faisais dans le haram, tu aurais eu un péché? Oui, et bien de la même façon, quand tu le fais dans le halal, tu as une récompense. Pourquoi est-ce qu'on le délaisse? Pourquoi est-ce qu'on le délaisse? Et donc ça, ce sont des causes à ne pas négliger. Et c'est à partir de là qu'on passe à au deuxième point que j'ai noté, Inch'Allah ta'ala. Le deuxième point, il est court, Inch'Allah. On va faire le deuxième point aujourd'hui. Le troisième et le quatrième demain, bi'idhnillah ta'ala. Troisième et le quatrième point aussi, ils sont très très importants. Donc le deuxième point, qui est lui-même cité dans le hadith qu'on a vu tout à l'heure. Ittaqullaha fi nisa. Craignez Allah, tabaraka wa ta'ala, concernant vos épouses. Allah Azza wa Jalla nous a cité que le Coran c'est une guidée lil muttaqin, pour ceux qui ont la piété, ceux qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu ne crains pas Allah tabaraka wa ta'ala, on peut te citer 1000 preuves qui montrent ton erreur, tu ne vas pas accepter. C'est moi qui ai raison, c'est moi. C'est moi, un point, c'est tout. Pourquoi? Manque de taqwa. Et donc c'est important qu'on s'éduque chacun à apprendre à craindre Allah Azza wa Jal concernant nos épouses, comme cela nous a été demandé. Certaines personnes ont peur que les gens soient au courant de ce qu'ils font à la maison. Ce qui est normal. Tu ne veux pas que tes erreurs, que tes défauts, que tes péchés soient propagés. Le problème, c'est quand ils n'ont pas peur qu'Allah tabaraka wa ta'ala, ils n'ont pas peur d'Allah tabaraka wa ta'ala concernant ce qu'ils font à la maison. À la maison, ils le font normal, sans problème. Et ils le répètent. Est-ce qu'on n'a pas peur de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah? Il se cache des gens, mais ne se cache pas d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Il est là avec ses frères, tout doux, mashallah, jazakallahu khairan, mashallah. Lorsqu'il rentre à la maison, un monstre. Et donc, il faut qu'on craigne Allah, tabaraka wa ta'ala. Et qu'on n'ait pas ce double visage. Allah tabaraka, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit taqillaha haythu ma kunt, crains Allah où que tu sois. C'est pas, ça ne veut pas dire crains Allah si tu es à Bruxelles, et crains Allah si tu es à Paris, et crains Allah. Oui, ça veut dire ça aussi. Mais c'est aussi et surtout crains Allah où que tu sois dans un endroit en public ou que tu sois en privé. Crains Allah que tu sois en public ici avec tes frères ou que tu sois à la maison avec ton épouse en train de régler un conflit. Crains Allah. Lorsque tu t'es marié, au moment du mariage, au moment où son tuteur, il t'a dit, je te donne une telle en mariage, et que tu as dit, j'accepte le mariage avec une telle. Avant cela, c'était quoi la sunna? C'est quoi la sunna avant ça? Vous êtes tous célibataires? Ouais. Khutbatul Haja. Khutbatul Haja, c'est quoi? Les frères, je vais vous réciter, on va réciter Khutbatul Haja. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره Nous louons Allah. Nous implorons son aide et son pardon. نعوذ بالله من شرور أنفسنا. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre le mal de nos âmes. Et donc toi-même, tu as du mal en toi. Toi-même, tu as du mal en toi. Accepte qu'elle aussi, elle a du mal en elle. Pourquoi tu veux avoir du mal et elle soit comme un ange? نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Et contre le mal de nos mauvaises actions. من يهده الله فلا مضل له. Celui qu'Allah égare, personne ne peut. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. ومن يضلل فلا هادي له. Et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Invoque Allah tabaraka wa ta'ala dans ton couple. Est-ce que tu penses à te réveiller le soir, à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala durant tes prières obligatoires, lorsque tu es prosterné? Oh Allah, facilite la réconciliation entre moi et mon épouse. Oh Allah, permets-nous de nous réconcilier et de nous aimer comme avant et encore plus fort. Oh Allah, apaise notre vie ici-bas. Est-ce que tu invoques pour ton épouse lorsque tu es prosterné? Oh, alors c'est, oh Allah, donne-moi de l'argent. Oh Allah, elle flousse. Oh Allah, elle flousse. L'argent, j'en ai besoin. Et donc c'est important qu'on invoque Allah tabaraka wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Et donc, tu attestes que la ilaha illallah et tu attestes que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Applique cela dans ton couple. Applique cela dans ton couple. Regarde le Coran et la Sunna, le comportement que tu dois avoir avec ton épouse. Et toi, ma sœur, regarde le comportement que tu dois avoir avec ton époux. Applique cela dans ton couple. De la même manière que lors du mariage, tu étais content qu'il y ait un imam ou qu'il y ait une personne qui vous ait montré qu'il fait partie de la sunna, le fait de prononcer Khutbatul Haja. On prononce Khutbatul Haja, c'est pas pour perdre quelques secondes avant le mariage ou... On médite sur ce qui est dit. Pour l'appliquer. Pour l'appliquer. Une fois j'ai fait une khutba, la khutba c'était Khutbatul Haja, khutba du vendredi. C'était l'explication de Khutbatul Haja. Parce que les musulmans, ils entendent Khutbatul Haja tous les vendredis, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce qu'en général, l'imam, il ne va pas traduire Khutbatul Haja. Il récite Khutbatul Haja, et ensuite il commence sa khutba, et c'est là qu'il fait la khutba en arabe français. Mais en général, Khutbatul Hajj, on ne la traduit pas. Pourtant, elle est très profitable. Il y a énormément de leçons dans Khutbatul Hajj. Énormément de leçons. C'est pas pour rien qu'on la répète comme ça tous les vendredis. C'est pas pour rien qu'on le dit le jour du mariage. Et ensuite, après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait les versets suivants. Ya ayyuhalladhina amanu ttaqullaha haqqa tuqati. Oh vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez que en pleine soumission. Soumets-toi à Allah tabaraka wa ta'ala. Soumets-toi à son ordre concernant tout ce que tu fais, même avec ton épouse. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Encore une fois dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à le craindre. Et il nous montre ici dans ce verset tabaraka wa ta'ala la base de chacun d'entre nous, l'origine de chacun d'entre nous, cette alliance qu'il y a eu entre Adam et Hawa. Entre Adam et Hawa. Le mariage. Craignez Allah tabaraka wa ta'ala dans vos relations avec vos épouses, avec vos enfants, avec vos proches. C'est pas que quand on est rassemblé entre nous là qu'on doit mashallah, et lorsqu'on arrive à la maison, c'est tout le contraire. Et aussi le troisième verset, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Oulala, oulala. Oh vous qui avez cru, craignez Allah et prononcez de bonnes paroles. Qawlan sadida, al qawlu sadid ou al qawlu sa'ib. La parole qui est correcte, qui est juste. Ne transgresse pas dans ta parole. Quand il y a des sujets de conflit, parfois on va oublier. C'est fini ça. Fini. Ne parle pas quand le sort est beau. C'est fini. Il faut que je me lâche. Il faut que je me lâche. Mais quand tu te lâches, tu penses que tu fais du bien à ton couple ou pas? La personne qui est en face de toi, elle va avoir envie après ça de faire comme toi, de se lâcher aussi. Et donc si Shaitan il joue avec elle aussi comme il a joué avec toi, qu'ensuite tu entends ce qui ne te fait pas plaisir, tu vas faire quoi après? On monte. Ah, ça c'est bon, khalas, c'est fini. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on craigne Allah tabaraka wa ta'ala et on pense aux conséquences de nos actes. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Et donc si vous faites cela, Allah tabaraka wa ta'ala va préserver vos œuvres et pardonner vos péchés. Wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Celui qui obéit à Allah et à son messager aura certes réussi, donc il aura eu une grande réussite. On va arrêter là pour aujourd'hui inshallah ta'ala, et demain bismillah on continue avec les autres causes qui permettent de préserver nos couples. C'est important, barakallahu fikoum, qu'on médite sur tout ce qui a été dit, qu'on l'applique à la maison. Que chacun ici présent s'efforce d'appliquer cela à la maison. Tu retournes chez toi à la maison, de bonnes paroles, kalimatun tayyiba, le sourire, etc. Tu réfléchis ce que tu vas faire, est-ce que c'est une cause qui va augmenter l'amour dans le couple, etc. S'il y a besoin de sortir, s'il y a besoin de se divertir, d'aller prendre l'air ensemble, faire une balade pour augmenter les causes de l'amour, faites-le. On va s'interdire ce qu'Allah nous a autorisé. Et donc faites-le, les frères, barakallahu fikoum, c'est important. Pourquoi? Parce que la piété de la communauté musulmane passe par la piété des demeures, la piété qu'il y a dans les familles. Et donc on commence, si on veut que le tawhid, il se propage, si on veut que la sunna, elle se propage, il faut aussi qu'on préserve nos couples, il faut aussi qu'on préserve les familles musulmanes, chacun préserve sa famille. afin que par la suite, les générations d'après avancent aussi dans ce même sens. Mais s'il y a autant de divorces comme ça, dans tous les sens, t'as la guerre dans tous les sens, des enfants qui se retrouvent sans leur père pour les éduquer, ou sans leur mère, ou c'est là, ils voient leurs parents qui s'insultent tout le temps, et voient leurs parents qui se crient dessus. Ensuite, quand ils grandissent, ils répètent la même chose. Elle est où la piété de la communauté? Comment est-ce que tu vas aider la communauté à avancer? Et donc, on fait attention, les frères, barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.